Bonjour chère étoile, comment te sens-tu aujourd'hui? Parviens-tu à te libérer quelques instants de ces tensions qui crispent ton corps, tes muscles tout entiers, et de tes pensées ombrageuses qui obscurcissent ton cœur? Moi je dirais que c'est le cas, et j'ai d'ailleurs de la gratitude à exprimer envers toi, petit astre, car tu fais partie de ce qui fait briller mon cœur à nouveau. Je t'en suis très reconnaissante. J'aimerais que tu prennes un instant pour citer une chose envers laquelle tu ressens de la gratitude, la première qui te vient à l'esprit. Un lever de soleil particulièrement rose et marbré d'orange, une caresse de soutien sur la main, le regard apaisant d'un animal à tes côtés, une voix au bout du fil qui te réconforte. Elle est si belle, cette émotion de gratitude, si douce, que je t'invite à te laisser bercer quelques instants par son énergie apaisante. Si tu ne me connais pas encore, bienvenue sur Alune. Je suis Temaï, sorcière, artiste, sophrologue et conteuse passionnée par les mondes intérieurs qui nous habitent. Et aujourd'hui, je souhaite t'apporter un doux message de soutien, où que tu sois. Lors de la dernière nouvelle lune, nous avions initié une intention pour cette lunaison qui me tient à cœur, car elle te rappelle comme les phénomènes de notre univers tiennent en équilibre, comme ils sont fragiles et solides à la fois. Parfois, se tenir dans la lumière n'est pas possible, alors il faut s'abriter, se ressourcer même, dans l'obscurité. Nous y trouvons parfois des lueurs qui brillent avec plus de clarté encore. C'est cela que dit l'intention de cette lunaison. Je traverse mes profondeurs. Sur mon Instagram, tu peux suivre avec moi chacune des 8 phases lunaires et t'initier au rythme cyclique de la lune qui va harmoniser ton corps, les énergies qui le traversent et apaiser ton esprit. Tu peux même bénéficier d'une guidance lunaire avec moi, qui est complètement gratuite, et qui consiste en 3 phases qui se déroulent environ sur 7 jours. Il y a la phase d'introspection, où tu vas répondre à quelques questions pour que je puisse mieux te connaître, une phase d'initiation, où je vais t'en dire un peu plus sur le rythme lunaire et t'apprendre une technique de respiration simple au cours d'un appel, et la phase d'activation, où on va échanger pendant environ 5 jours par mail pour t'aider à retrouver une détente quotidienne et commencer à te caler sur les rythmes lunaires. Parfois, il s'agit de prendre conscience que tu appartiens à un tout, à un ensemble, pour réaliser comme ta singularité brille parmi les autres. En rejoignant cette communauté, cette constellation comme je l'appelle, tu pourras te connecter avec celles et ceux qui te ressemblent et qui s'animent collectivement sous cette douce guidance lunaire. Sache que mon nom Instagram a changé et que tu peux désormais me retrouver sous le nom de Temaï, T-E-M-A-I, Constellation, tout attaché. J'ai hâte de t'accueillir parmi nous, petite étoile, et si tu es intéressée par une guidance gratuite, n'hésite pas à m'envoyer un petit message. Je vois souvent sur les réseaux sociaux cette phrase qui revient « Le printemps se passe sans nous ». Peut-être qu'effectivement, la terre prend un plaisir, un soulagement même, à renaître sans l'activité harassante de l'espèce humaine en ces quelques semaines de confinement. Peut-être que la nature reprend ses aises, parce qu'à l'heure où nous suffoquons littéralement sous l'emprise de cet être vivant qui nous occupe, corps et esprit, la terre, elle, reprend son souffle. Bien que les circonstances soient funestes et sombres, peut-être a-t-on besoin d'écouter ce silence si doux de la nature qui s'éveille, sans avoir ce besoin d'y prendre part. Je ressens moi-même un certain plaisir à me poser là, en tant qu'observatrice, et de voir les choses s'animer autour de moi, sans avoir l'envie de m'y mêler. C'est peut-être pour ça que j'aime autant la méditation. Et toi ? Apprécies-tu d'être observatrice de ce printemps qui s'éveille, chère étoile ? La super pleine lune qui rayonne au-dessus de nos têtes est un signe de la balance. Elle est, comme à chaque pleine lune, en opposition parfaite au soleil. Et nous sommes, nous terriens, en plein centre de cet axe sur lequel les astres se tiennent. Le soleil est en bélier, signe de feu, de vitalité et de force fougueuse, tandis que la lune en balance aspire à la tranquillité et l'équilibre des phénomènes. Nous voilà tiraillés de deux énergies célestes contradictoires, et cela peut, en effet, s'activer en nous par un déséquilibre émotionnel et physique désagréable. Comme tu le sais, en matière d'émotion et d'esprit, je te propose dans ce podcast de t'aligner sur les énergies lunaires. Celles-ci t'invitent, sous la guidance de la balance, à préférer l'ordre au conflit, à tenter au possible de soutenir la tension qui pèse sur tes épaules et de la contrebalancer avec la force d'esprit qui te compose. Cette lune est la super pleine lune la plus lumineuse de cette année 2020 et son message irradie de clarté. La balance apporte son soutien aux êtres qui l'entourent en pensée. Elle déploie ses ailes immenses pour entourer ce qu'elle aime de son envergure rayonnante. Elle laisse le vent froisser ses plumes, sans se soucier de les démêler, car contre son doux duvet ventral se blottissent les petites têtes de son cœur, celles et ceux pour qui elle braverait tous les dangers afin de les sentir en sécurité. Son message est celui de l'unité, de la coopération sensible et de la compassion. Aujourd'hui, je ne vais pas te parler des aspects célestes de la pleine lune, car j'ai eu envie de te proposer une approche plus intuitive, plus douce. Je souhaiterais que tu laisses moins de place aux mots et plus d'espace à la respiration, au silence. En s'inspirant de la nature qui reprend son souffle, je te propose ce court exercice de respiration pour t'aider à te détendre. J'aimerais que tu gonfles ton ventre en inspirant, qu'il s'emplisse d'air et de légèreté, comme si tu voulais t'élever dans le ciel. Puis à l'expiration, tu le creuses, tu le ramènes vers ta colonne vertébrale comme pour prendre un élan fabuleux vers la prochaine inspiration. En exagérant le plus possible les mouvements de ta respiration ventrale, tu vas accéder à une source d'air profonde et relaxante. Prends quelques instants pour pratiquer cette respiration, même si elle te semble artificielle pour le moment. Inspire, gonfle, grossis ton ventre, laisse-le prendre la place qu'il désire. Il est sain et il désire s'emplir d'air, d'énergie. Et expire, dégonfle ce ventre, creuse-le, ressens comme, en s'affaissant, il vide l'air de tes poumons. Voilà. C'est parfait. Allez, je t'invite à répéter la respiration encore deux fois, mais sans ma voix cette fois-ci. Bien. Maintenant que tu es détendu et que tu sens l'air se mouvoir en toi, je vais t'annoncer l'intention sur laquelle nous allons travailler sur cette méditation. Elle est un peu particulière, puisque je te propose de te connecter aux autres par un pronom différent du « je ». Nous brillons dans l'obscurité. Elle repose sur l'idée que, bien que nous soyons physiquement isolés, laissés à part du monde qui évolue, nous avons accès, dans la plus profonde des obscurités qu'est notre intériorité, à la force de nos cœurs. La force de cet amour, de cette affection que l'on porte sur les autres, sur les êtres que nous aimons, est incroyablement lumineuse, en particulier sous cette super pleine lune. Si la dernière fois, dans la méditation, je t'avais emmené dans un voyage dans tes profondeurs pour purifier cette force, cette puissance que tu possèdes. Cette fois-ci, je vais te proposer de l'utiliser pour diffuser ton amour, pour voyager vers la connexion, vers la compassion des autres. Pour cette méditation, tu t'en doutes, nous allons travailler avec l'élément de l'air. Cela va permettre de fluidifier l'énergie qui coule en toi et de la diffuser à ton entourage, à ton environnement, comme une brise fraîche et paisible de printemps. Je t'invite à fermer les yeux et à me retrouver dans ton espace mental dédié à la méditation. Je te remercie de m'y avoir invité. Es-tu prête, chère étoile? Ta vision est encore trouble. Tu te réveilles doucement et tu sens ton corps emmêlé dans des branches. Elles craquent doucement sous ton poids, mais elles te soutiennent. Tu observes ce corps recouvert de feuilles, caché par la verdure. Tu lèves tranquillement le bras droit pour écarter doucement le feuillage. Mais tu t'aperçois qu'il est lourd. Et lorsque tu portes ton regard sur celui-ci, tu remarques qu'il est recouvert d'un plumage doux et immaculé. Le poids que tu as senti plus tôt était celui de tes ailes, celui des larges plumes qui le composent. En dégageant les feuilles, tu découvres ton ventre blanc et duveteux. Puis tu démêles tes jambes des branches dans lesquelles elles sont empêtrées et tu devines les serres noires qui servent d'appui à ton corps d'oiseau. Tu parviens à te relever et te dresser au sommet de l'arbre dans lequel tu étais abrité. Le soleil se lève à l'horizon. Il fait rougir le ciel et les nuages. Tu essaies de te souvenir de ce qu'il s'est passé avant ton réveil. Puis, des images viennent à toi. Tu volais, avec ta famille, les oiseaux de ton cœur, vers la terre de vos origines. Vous aviez répondu à l'appel du printemps qui faisait vibrer les feuilles du paysage chaud dans lequel vous aviez passé l'hiver. Vos ailes étendues formaient une douce ligne dans le ciel, chacun rêvant à son doux retour. Puis le vent s'est levé, le tonnerre a grondé, et les cieux se sont glacés. Les plumes des ailes gelaient à mesure que la tempête s'intensifiait. Puis, une bourrasque vous a dispersé sur les terres basses que vous survoliez. Les souvenirs deviennent flous jusqu'à s'évanouir. Et tu tentes de lancer un cri d'appel à ta famille morcelée. Là, en haut de cet arbre où tu es isolé. Nulle réponse ne parvient à toi. mais tu aperçois, au-dessus de ta tête, au-dessus de l'ombre que projettent les nuages de glace, des lueurs vives. Ce sont elles qui ont répondu à ton appel. Les oiseaux blancs de ton espèce sont sages, et ils savent que si tu ne peux trouver les corps des êtres aimés, alors tu iras atteindre leurs âmes cachées dans les étoiles. Tu déploies tes immenses ailes puissantes et tu sens le vent faire vibrer les plumes, comme pour t'encourager dans ton voyage. Tu prends une grande inspiration et décolles dans le ciel, en faisant bruire le feuillage de l'arbre sur lequel tu étais posé. Le lever de soleil est si paisible. Tu ressens presque ses couleurs fondre à l'intérieur de toi. À mesure que tu t'élèves dans le ciel, l'air devient froid. Ton souffle se transforme en brume et rejoint les nuages perlés de glace. Tu accélères un peu ton souffle pour t'élever au-dessus de cette barrière. Quelques instants suffisent et te voilà planant au-dessus des nuages. Tu voles encore de plus en plus haut et tu sors de l'atmosphère. Sens comme la gravité à laquelle ton corps était soumise se lève. Ressens cette légèreté, ce bond que tu fais à chaque mouvement d'aile. Tu te déplaces dans l'espace, dans la Voie lactée, et tu te rapproches de ces voix qui t'ont appelé. L'obscurité t'empêche de bien les distinguer, mais la lune se met à gonfler un peu plus son ventre rond. Elle éclaire, elle illumine l'espace, et là, tu reconnais les âmes étoiles de ta famille. Elles sont dispersées, alors tu les réunis une à une. Tu les portes dans tes ailes, tu les couves de tes plumes, et lorsque la dernière des étoiles est dans tes bras, tu les serres fort contre ton cœur, contre ce doux duvet blanc. Ressens cette douce chaleur à l'endroit de ta poitrine. Ressens comme à chaque battement de cœur, elle s'intensifie, elle t'imprègne d'une chaleur agréable. Il est temps maintenant de placer les âmes étoiles dans le ciel, tout autour de toi. Imagine quelle serait la forme de ta famille. Une fois que la dernière étoile est placée, que vos cœurs sont connectés et que votre lumière s'intensifie, la constellation apparaît. Quel dessin se trace dans les cieux de ton esprit? Cette constellation incroyable irradie jusque sur terre et permet à chacun des membres de ta famille qui étaient isolés, morcelés, de se réunir et observer ce spectacle majestueux. Tu peux répéter dans ton esprit après moi l'intention de cette méditation. Nous brillons dans l'obscurité. Tu sens petit à petit ton corps qui retourne vers la terre, tout doucement. La gravité te rend plus lourde et plus ancrée. Tu retrouves les sensations du vent qui souffle dans tes ailes, sur ton visage, sur tes joues. Tu sens l'odeur de la terre mouillée par la pluie et tu poses tes jambes sur le sol, là où ta famille t'attend. Tu vas pouvoir reprendre conscience de ton corps, des petits fourmillements dans tes doigts, des picotements de ta peau contre tes vêtements ou la surface sur laquelle tu es assise. Tu peux t'étirer, bâiller, laisser ton corps se défaire de cet état de concentration dans lequel tu étais. Retrouve-moi le 23 avril pour une méditation de nouvelle lune. Si tu souhaites soutenir ce podcast, je t'invite à le noter 5 étoiles sur Apple Podcasts et à laisser un commentaire sur ta plateforme d'écoute favorite ou sur mon Instagram, Temaï Constellation. Je compte sur ton soutien. Grâce à toi, chère étoile, je peux faire grandir ce podcast et te proposer un contenu de qualité toujours plus créatif. Alors partage et commente autant que possible pour me soutenir. Qui sait, peut-être qu'une autre personne découvrira ce podcast grâce à toi. Merci de ton écoute et à très vite.